Je suis sur une route à sens unique qui bénéficie d'un bon éclairage public. J'approche sans doute d'une agglomération. Ici, les feux de position seuls sont exclus. Au-dessus de 50 km/h, c'est-à-dire en dehors des villes, si l'éclairage s'éteint subitement, ce serait le noir complet avec un gros risque d'accident. Les feux de route sont inutiles. On voit bien et loin. Les allumer, c'est risquer d'oublier de les éteindre quand on gêne un autre usager. Pour les feux de brouillard avant, ce sont les mêmes raisons que pour les feux de route. Seule solution valable, circuler avec les feux de croisement. Réponse B.